Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Le quartier maghrébin de Jérusalem, 8 siècles d'histoire, un quartier oublié dont la mémoire surgit soudain, sur l'esplanade du mur des Lamentations. Mais qu'est-ce qu'une esplanade? Ah, c'est un vaste espace libre, un terrain plat dégagé devant un édifice. Pour une cathédrale, nous parlons d'un parvis. Il est question de l'esplanade d'un château, de l'esplanade des Invalides et de l'esplanade du mur des Lamentations. Double esplanade en fait, parce que le mur lui-même est le soutènement de l'esplanade du temple de Jérusalem. Mais à Jérusalem, qu'y avait-il au pied du mur, avant cette esplanade, il y avait le quartier des Maghrébins. Vincent Lemire, bonjour. Bonjour. Vous connaissez bien Jérusalem. Vous avez sillonné les rues de Jérusalem, le mur des Lamentations. Vous le connaissez, cette esplanade, vous la connaissez. Imaginez-vous ce qu'il pouvait y avoir avant cette esplanade, avant de travailler sur cet espace. Non. Très honnêtement, c'est une histoire complètement méconnue. Je savais qu'il y avait un quartier qu'on appelait le quartier maghrébin quelque part par là. Je n'imaginais pas que c'était un quartier aussi dense, aussi ancien, aussi actif, qui avait fonctionné jusqu'à sa destruction en 1967. Je pensais que c'était un toponyme irrité, comme on trouve, voilà. Et puis j'étais pris par... Vous avez raison, cette idéologie du parvis, depuis la fin du 19e, une époque que vous connaissez bien, on a l'habitude que les monuments soient précédés d'un parvis, d'une esplanade. Que ce soit une gare, que ce soit voilà, les Invalides, Notre-Dame de Paris. Quand on descend sous Notre-Dame de Paris, on est très étonné de voir qu'il y a un quartier qui vient jusqu'au bord de... Ben là, c'est un petit peu pareil. Si on descend sous le parvis du mur occidental, c'est une photo que je pense plein d'auditeurs ont dans la tête. Hein. Le mur occidental et puis devant un espace vide. Alors un espace vide, soit où il n'y a personne, soit où il y a énormément de monde, s'il y a des fêtes. Et donc, jusqu'en 1967, on avait là 135 maisons, un millier d'habitants, d'origine maghrébine, et vraiment maghrébins, qui s'appelaient Al-Maghrébi, Al-Tounsi, Al-Marakchi, Al-Karoui, enfin, qui étaient maghrébins dans leur nom même, et qui avaient des liens très forts avec le Maghreb, et qui étaient là... par la volonté d'un certain Saladin en 1187. Des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, Vincent Lemire, mais que venaient-ils faire là, à Jérusalem, dans ce quartier? Alors, d'abord, effectivement, c'est l'occasion de rappeler que cette ville est très très importante dans la géographie islamique. Hein, on dit toujours que c'est la troisième ville sainte de l'islam, mais bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut se rappeler que jusqu'aux années 1960, on ne fait pas le pèlerinage en avion. On fait le pèlerinage par voie de mer et par voie de terre. Et ça prend pas quelques jours, ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois généralement. Ah oui, pour aller à la Mecque, c'est très loin, c'est sûr. Voilà, c'est très loin et généralement on touche terre à Haïfa ou à Ashdod ou à Jaffa. Puis ensuite, on monte à Hébron et à Jérusalem. C'est la première étape du pèlerinage. C'est là que, d'ailleurs, généralement, on revêt le costume blanc hein, du pèlerin. On se met en état de pureté. Alors, l'étape de Hébron et de Jérusalem, c'est considéré comme une visite pieuse dans l'islam orthodoxe sunnite. Et puis, on rejoint la grande caravane d'Amas-La Mecque, hein, la grande caravane des pèlerins. Et on va à La Mecque. Et puis, parfois, on revient, on repasse encore par Jérusalem. Et parfois, on s'y arrête. Parfois, on est malade. On y reste plusieurs mois. Parfois, on y meurt. Et c'est pas mal de mourir à Jérusalem, parce que, comme on le sait, le jugement dernier, c'est là, hein, c'est pas à La Mecque, ni au Maghreb, évidemment. Parfois, on s'y marie, hein, on va se marier, on va faire des enfants, on va faire souche. Et donc, voilà, l'étape de Jérusalem est très importante, et c'est évidemment ce que Saladin a voulu faire à la fin du XIIe siècle, c'est à la fois réaffirmer le caractère islamique de cette ville. On est juste après les croisades, hein, juste après la période chrétienne des croisades, qui était une période où, au contraire, on avait voulu expulser à la fois les musulmans, mais aussi les juifs de Jérusalem, et même les chrétiens orientaux. Donc il y a un enjeu de réislamisation, et puis il y a un enjeu, en fait, de créer des structures pour que les pèlerins puissent venir. Encore une fois, c'est des voyages, longs et dangereux. Il faut loger les gens, les soigner, les enterrer s'ils viennent à mourir. Au pied du mur vie et mort du quartier maghrébin de Jérusalem, 1187-1967, ça c'est le titre de votre ouvrage, Vincent Lemire, qui paraît au Seuil, avec une date pour la naissance d'un quartier, ce qui est extrêmement rare. Un quartier a rarement une date de naissance, c'est quelque chose qui se construit peu à peu. Comment est né ce quartier en 1187? C'est une réponse de Saladin pour accueillir donc tous ces migrants pour islamiser la ville. Oui, vous avez raison, normalement un quartier c'est le résultat d'une longue accumulation. 1187, reprise de la ville par Saladin contre les armées croisées qui vont ensuite se réfugier jusqu'à Saint-Jean d'Acre et puis à Chypre et puis refluer jusqu'en Europe occidentale. Donc c'est une date très très importante. Saladin reprend la ville et il a deux enjeux, à la fois réaffirmer son caractère islamique, donc il va fonder des madrassas, des écoles coraniques, des zawiyas, etc. Et puis, réurbaniser la ville, la repeupler, parce que, encore une fois, les croisés en ont expulsé tous les musulmans, tous les juifs et tous les chrétiens orientaux. Donc il ne reste que les occidentaux, que les latins, bon, qui parfois eux-mêmes ont fait souche, mais bon, il reste plus grand monde. Donc c'est une ville qui est complètement dépeuplée, qui est complètement rétrécie, en fait, qui flotte à l'intérieur de ses murailles. Et donc il faut imaginer, si on a la carte de Jérusalem sous les yeux, que toutes les marges sont désurbanisées, littéralement. C'est des jardins. Et en particulier la marge sud, donc on est le quartier maghrébin, c'est au sud de Jérusalem, sud-sud-est. Il faut donc réurbaniser cette ville. Et un des moyens, en fait, c'est de fonder un quartier ex nihilo, et en disant bah, tout cet espace-là va être dévolu à l'accueil des pèlerins d'origine maghrébine. Alors on est avant l'âge des nations. Hein. Le Maghreb se distingue du Mashrek. Le Maghreb, c'est ce qui est en gros à l'ouest de l'Égypte. Donc, en fait, ça intègre aussi théoriquement la Libye. Hein. Libye, Tunisie, Algérie, Maroc, évidemment, qui est le Maghreb des Maghrebs. Hein. C'est là où le soleil se couche. Et le Maghreb, c'est très important dans l'islam sunnite. C'est un islam sunnite et en même temps, c'est un islam qui a des singularités. C'est assez particulier, l'islam du Maghreb. Par exemple, le culte des saints, les marabouts, une école de droit bien particulière, l'école malékite. Et puis c'est tout le Maghreb islamique, c'est aussi Al-Andalus hein, qui reflue vers le Maghreb. Donc c'est un islam qui est très important et qu'il faut attirer vers Jérusalem si on veut faire de Jérusalem à nouveau une ville sainte islamique. Un quartier qu'il s'agit de fonder. Le dit constituant a érigé son wax au profit des Maghrébins résidant à Jérusalem, la ville sainte, et au profit de ceux parmi les Maghrébins qui pourraient venir dans cette ville, quelle que soit leur qualité, leur profession, leur sexe, leur âge et leur condition sociale. Nul ne pourra soulever contre eux une contestation quelconque et prétendre à participer avec eux au profit de cette fondation. Ils en auront la jouissance directement en y habitant ou par perception des loyers et fermages, ou en tirant tout autre profit, quelle qu'en soit la nature. Ils pourront procéder au morcellement des terres et les donner en bail à colonnage partiaire. Le profit de la fondation sera dévolu par priorité aux nouveaux arrivants, aux plus nécessiteux et à ceux dont la situation sera la plus obérée. Daniel Koenigsberg, dans le cours de l'histoire qui lisait cet acte de 1320 sur la constitution du quartier des Maghrébins. Alors, il y a cette fondation de 1187 avec Saladin. Nous sommes évidemment un peu plus tard parce qu'il y a réflexion sur ce quartier, mais avec toujours cette ligne, nous l'entendons, cette ligne d'accueil d'une population qui vient du Maghreb. Oui, en fait, ce qu'on vient d'entendre, c'est un acte de fondation, l'acte de fondation d'un waqf. Un waqf, c'est une fondation religieuse islamique. Mais il faut d'abord entendre le mot fondation. Et c'est comme les fondations qu'on a en Occident et jusqu'à aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que, comme je sais pas, la fondation Rothschild ou la fondation de France, ou qu'est-ce que c'est qu'une fondation ? C'est quelque chose qui, avec une dotation, soit en numéraire, soit avec des revenus. Alors, à l'époque médiévale, on est plutôt dans des revenus de type agricole. Hein. Et en l'occurrence, en 1320, c'est le village de En Karem, qui est un village, un terroir très très riche, sans doute le terroir le plus riche à l'ouest de Jérusalem, que les habitants de Jérusalem aujourd'hui connaissent bien. C'est là où on va se promener, il y a des beaux jardins, il y a des superbes sources. Donc, tout le village de En Karem, tous ces revenus fonciers, tous ces revenus agricoles, vont servir à financer ce quartier. Donc il faut bien comprendre que le quartier maghrébin de Jérusalem, c'est pas seulement, donc c'est un quartier intramuros qui est là pour loger, soigner et nourrir les pèlerins maghrébins, mais donc on va dire que ça c'est de la dépense, d'accord ? Et donc il faut des revenus, il faut des actifs. Et donc ce qu'on vient d'entendre, c'est l'acte de fondation, et ça permet aussi de rappeler l'importance de ces waqfs, l'importance de ces fondations islamiques dans l'histoire de Jérusalem et dans l'histoire de la Palestine et de toute la région jusqu'à aujourd'hui, hein, qui deviennent des institutions structurantes de l'espace urbain, de la propriété, On est dans une structure impériale assez lâche, hein, la capitale est assez loin, et donc les wakfs sont des institutions très très importantes qui perdurent, qui durent, et qui structurent l'espace urbain. Et puis on sait que ces wakfs, ces fondations islamiques, elles sont très importantes à partir du XXe siècle, dans le contexte israélo-palestinien, parce que c'est des moyens de tenir la terre, de tenir la propriété plus fortement, puisque théoriquement, ce sont des biens inaliénables. Oui, dans l'acte de fondation que nous venons d'entendre, nul ne pourra soulever contre eux une contestation quelconque. Hein. C'est clairement dit. Ce quartier maghrébin qui se trouve au pied du mur tel que nous le définissons aujourd'hui, Vincent Lemire, bien, était-il au pied du mur quand il est fondé? Alors, bon, bien sûr, il y a le XIIe siècle, mais dans les siècles qui suivent, au sens où le mur lui-même signifiait-il quelque chose pour nos ancêtres médiévaux? Ouais, ça c'est une question, c'est la question la plus forte, en fait, qui fonde ce livre et cette enquête. Ce mur occidental, il est d'origine hérodienne, il n'y a aucun doute. C'est-à-dire, les archéologues, aujourd'hui, qui fouillent à la base de ce mur, savent que ces éléments, ces grands blocs calcaires, sont d'origine hérodienne. Donc ce mur, comme vous l'avez dit en introduction, c'est le mur de soutènement de l'esplanade du temple, qui est aujourd'hui l'esplanade des mosquées. On n'a aucun doute sur l'origine factuelle de cette maçonnerie, on va dire. Voilà, c'est pas le temple lui-même, c'est Hérode, c'est le premier siècle, et c'est le soubassement du temple. Voilà, c'est le soubassement du temple, il n'y a pas de doute. Maintenant, il faut toujours faire la part entre le lieu saint et la sanctuarisation. Hein. Un lieu saint, c'est d'abord un processus de sanctuarisation. Ça prend du temps. Et pour le dire vite, en gros, on a à peu près, à partir du 4e, 5e siècle, une tradition d'un mur occidental qui aurait survécu à la destruction du temple par les armées de Titus en 70 de notre ère. Et ce qui est curieux, c'est que cette tradition du mur occidental n'est pas localisée. Il suffit de lire tous les récits de voyage jusqu'au XVIe siècle inclus, c'est-à-dire jusqu'à la période ottomane, pour se rendre compte que les Juifs, à l'époque, prient notamment le jour de Tisha B'Av, le 9 du mois de Av, donc pour commémorer la destruction du premier temple et du deuxième temple, il prie soit du sommet du Mont des Oliviers, où on a une vue parfaite sur le temple détruit, soit face à la muraille orientale, en fait, face à la fameuse porte dorée qui s'ouvrira au moment du retour du Messie, qui est évidemment la muraille orientale, qui est beaucoup plus éloquente, hein, qui a beaucoup plus de choses à raconter que la muraille occidentale. Ce n'est qu'au milieu du XVIe siècle que cette partie du mur devient un sanctuaire juif. Il n'y a pas de débat parmi les historiens là-dessus. C'est pas moi là qui il y a des gens bien plus spécialistes que moi qui savent que c'est au milieu du XVIe siècle. Alors mon hypothèse, c'est que c'est sans doute au moment d'ailleurs où Soliman le Magnifique construit ces fameuses murailles, les murailles de Jérusalem qu'on peut encore admirer aujourd'hui. Mon hypothèse, c'est une hypothèse d'historien de la ville, c'est qu'il est important à ce moment-là pour les communautés juives d'avoir un sanctuaire intramuros, parce que les portes peuvent être fermées, en particulier les jours de Shabbat. Justement, il faut avoir un sanctuaire intramuros. Bref. Au milieu du XVIe siècle, ce mur devient un sanctuaire juif. Mais, vous l'avez rappelé, le quartier maghrébin, il date de la fin du XIIe siècle. Et maghrébin, en hébreu, ça se dit Maharavim. Et le mur occidental, aujourd'hui, en hébreu, on l'appelle le Kotel Maharavi, le mur occidental. Parce que maghrébin, ça veut dire occidentaux. Donc il y a comme un espèce d'effet Larsen, là, dans ces étymologies. Il est possible, c'est en tout cas l'hypothèse de Louis Massignon, que ce mur avait un autre toponyme très proche pendant trois siècles, Kotel Maharavim, le mur des Occidentaux, le mur des Maghrébins, et qu'ensuite il a été sanctuarisé comme lieu saint juif et que l'étymologie juive hébraïque finalement se soit imposée jusqu'à aujourd'hui. C'est passionnant. Louis Massignon, qui est un islamologue catholique français, qui a étudié, qui a traduit notamment ses actes de fondation. Mais alors, Vincent Lemire, si nous nous projetons dans la Jérusalem ottomane, nous avons ce quartier maghrébin au pied du mur, pour reprendre le titre de votre ouvrage. Mais il y a la possibilité pour les Juifs de venir au pied du mur à partir du moment où le mur est sanctuarisé. Ils traversent le quartier maghrébin, comment ça se passe? Oui, jusqu'en 1948, on en parlera après, mais jusqu'en 1948, les communautés juives de Jérusalem, ce qu'on appelle le vieux Yishuv, c'est-à-dire les communautés juives qui précèdent en fait le mouvement sioniste et donc la première alia de 1882, les communautés juives traversent le quartier maghrébin. Alors, à partir des années 20-30, on en a des photos, hein, il y en a quelques-unes dans le livre, en particulier les jours de Shabbat et pour les grandes fêtes juives. Mais par contre, l'espace de prière est extrêmement réduit, hein, ça c'est connu, on en a des photos, c'est à peu près 3 mètres de recul. C'est-à-dire que les premières maisons du quartier maghrébin commencent à 3 mètres du mur, d'accord, sur une quinzaine de mètres. D'accord, donc on a voilà, allez, on a 60 mètres carrés pour prier, ce qui est évidemment très peu et trop peu au moment des grandes fêtes juives. Donc on a, à partir de la fin du 19e siècle, de la part de certains mécènes juifs et ensuite de la part de certains leaders de l'organisation sioniste, une mobilisation évidemment pour agrandir ce quartier. Mais jusqu'à la fin du 19e, on peut dire que c'est un lieu saint partagé d'une certaine manière, puisque effectivement on a ce quartier maghrébin au pied du mur et ce mur qui était un sanctuaire juif. 3 mètres, hein, nous sommes loin des images que nous avons tous en tête du mur des Lamentations avec cette très très grande esplanade. Petit tour dans la Jérusalem ottomane. Sur la ville de Jérusalem règne la loi du sultan de Constantinople. Une administration indolente tolère toutes les religions. Juifs, musulmans, catholiques, orthodoxes, protestants, tous ont accès au lieu saint. C'est le carrousel foisonnant des uniformes et des couleurs, des confessions et des races qui cohabitent dans l'Empire ottoman. Un mur à Jérusalem, c'est le film de 1968, hein, de Frédéric Rossif, avec les commentaires, les textes de Joseph Kessel. Cette archive nous évoque cette cohabitation religieuse. Vincent Lemire, vous êtes l'auteur d'un grand travail sur Jérusalem, l'histoire d'une ville-monde des origines à nos jours, hein, que vous avez dirigé, et puis aujourd'hui au pied du mur vie et mort du quartier maghrébin. Peut-on dire que Jérusalem a connu cette cohabitation religieuse? Est-ce un fantasme? Parce qu'il y a beaucoup de cela en histoire, surtout sur des sujets extrêmement polémiques dans notre actualité. Nous fantasmons une cohabitation idéale par le passé. Jérusalem, c'est une ville-monde. Et dire que Jérusalem est une ville-monde, ça n'est pas repeindre son histoire en rose. Hein, c'est pas le village des Schtroumpfs. Une ville-monde, ça veut dire que... Qui sont bleus, c'est vrai, qui sont bleus. Non, dire que Jérusalem est une ville-monde, ça veut dire que des gens qui viennent du monde entier, ils vivent, ils cohabitent. Alors, ils cohabitent bien ou pas bien, peuvent se massacrer à l'occasion, hein. Il y a pas, je veux dire, c'est pas forcément contradictoire, mais on va dire que le massacre n'est que ponctuel et que la cohabitation est plutôt structurelle, voilà, pour dire les choses. Et puis que c'est vrai que l'opinion publique et les historiens souvent se focalisent sur les massacres, parce que bon, il y a des choses à raconter, et puis il y a des chroniqueurs, et puis voilà, on en parle un petit peu plus. La cohabitation, c'est très ennuyeux, hein, il se passe rien. Moi, j'ai effectivement travaillé pendant assez longtemps sur l'histoire de la période ottomane, y compris la fin de la période ottomane, la fin du 19e siècle, et les archives ottomanes qui sont extrêmement riches, à Istanbul en particulier, et puis les archives de la municipalité de Jérusalem, qui est fondée en 1860, qui est la plus ancienne municipalité de l'Empire ottoman, il faut toujours le rappeler. Si on revient au quartier maghrébin, ces archives, elles nous montrent que voilà, on gère cette cohabitation. Moi, je parle souvent de coprésence parce que ça permet de pas qualifier, positivement ou négativement cette situation. Par exemple, les archives municipales nous montrent que ces maghrébins, ils sont pas du tout marginalisés dans l'espace public, ni dans l'espace public, topographique, ni dans l'espace de la cité. Ces maghrébins, ils ont des postes très importants, des postes de responsabilité à la municipalité de Jérusalem. Peut-être justement parce qu'ils sont, d'une certaine manière, un petit peu extérieurs. Hein, Chateaubriand aussi en parle. Voilà, c'est des les maghrébins de Jérusalem, ils sont à la fois bien singularisés, bien identifiés. Ils parlent un arabe particulier, mais ils sont aussi au cœur de l'espace public et au cœur de la cité. Chateaubriand est avec nous dans le cours de l'histoire. Ces bannis furent reçus dans la ville sainte avec une grande charité. On leur fit bâtir une mosquée. On leur distribue encore aujourd'hui du pain, des fruits et quelque argent. Les héritiers des fiers abincérages, les élégants architectes de l'Alhambra sont devenus à Jérusalem des portiers qu'on recherche à cause de leur intelligence et des courriers estimés pour leur légèreté. Daniel Königsberg qui lisait cet extrait de l'itinéraire de Paris à Jérusalem de Chateaubriand. Nous sommes au début du 19e siècle et dans cet extrait, nous l'entendrons là encore, il y a comme une obligation d'accueil. Ce quartier maghrébin de Jérusalem, Vincent Lemire, c'est un quartier qui est lié au pèlerinage et pas seulement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont installés. Mais alors vous nous avez rappelé que l'islam et même les traditions du Maghreb ne sont pas exactement, nous le savons, bien les mêmes que celles pratiquées à Jérusalem, c'est-à-dire que ce quartier s'identifie nettement par le mode de vie. Ah oui, oui, c'est ce qui fait d'ailleurs, c'est ce qui fait toute sa valeur aux yeux des habitants non maghrébins de Jérusalem. Jérusalem s'enorgueillit, Jérusalem c'est une ville monde, Jérusalem c'est une ville sainte, et donc elle s'enorgueillit d'accueillir des pèlerins et des habitants qui viennent de partout. Je veux dire, au sens strict, hein, et là encore une fois, je suis pas en train de repeindre l'histoire de cette ville en rose, mais tous les gens qui nous écoutent peuvent le comprendre. À partir du moment où on est une ville sainte à vocation universelle, le fait d'accueillir correctement des gens qui viennent de partout, évidemment, fonde la légitimité et la sainteté de la ville. C'est juste factuel, quoi. Et donc oui, les Maghrébins de Jérusalem sont bien identifiés, bien singularisés, extrêmement valorisé, c'est assez frappant quand même. Chateaubriand, quand on lit Chateaubriand, on sait qu'il est totalement focalisé sur les lieux saints chrétiens. Enfin, je veux dire, c'est le génie du christianisme, il est obsédé, il ne parle que de ça. Et au détour de quelques pages, il traverse ce quartier et il comprend en fait que les Maghrébins de Jérusalem sont une communauté bien identifiée, bien singularisée. C'est pas les seuls, hein. À Jérusalem, il y a un quartier serbe, il y a un quartier syrien, il y a un quartier yéménite, et puis ensuite, il y a des quartiers polonais du côté des quartiers juifs, etc. Enfin bon, il y a plein de quartiers. Voilà, la remarque de Chateaubriand, elle est très précieuse pour ce qu'il dit, et puis parce que ça vient de Chateaubriand, et a priori, c'est pas sa priorité, mais il les voit, il les perçoit, il les identifie dès le début du 19e siècle. Le quartier maghrébin de Jérusalem est fondé au 12e siècle. À un moment, hein, vous nous l'avez dit, Vincent Lemire, où le mur n'est pas encore sanctuarisé. Mais vous nous avez dit aussi que peu à peu, le mur devient sanctuarisé pour les Juifs. Et ce quartier maghrébin qui est si proche, à 3 mètres quand même du mur, est-il regardé d'un œil différent à partir du moment où le mur des Lamentations devient si important? Voilà, c'est le tournant de l'histoire de ce quartier qui va véritablement se retrouver au pied du mur, dans le sens, au sens figuré du terme, à partir de la fin du 19e siècle. Les communautés juives de Jérusalem grossissent en quantité, elles se diversifient, le mur devient un sanctuaire de plus en plus important, les visiteurs juifs de Jérusalem s'y rendent très très régulièrement, et donc il y a un problème d'espace public, là il y a un problème d'espace public et d'ordre public. Et donc, à partir des années 1920 en particulier, les conflits d'usage vont se multiplier entre les habitants du quartier maghrébin et les pèlerins juifs ou les habitants juifs qui viennent prier. Et ça va culminer dans un moment très très connu, hein, de l'histoire du conflit israélo-arabe, c'est août 1929, ce qu'on a appelé les émeutes du mur, qui font quand même 253 morts à l'échelle de la Palestine. Ces émeutes du mur, comme leur nom l'indique, elles démarrent au pied du mur pour une banale histoire d'une chaise en trop ou d'un paravent qui a été placé au mépris d'une règle qui avait été édictée, etc. Bon, bref. Et ces émeutes, en fait, vont ensuite s'étendre à toute la Palestine jusqu'à Hébron et ça va être, en fait, vraiment le coup d'envoi du conflit israélo-arabe et israélo-palestinien. Donc, effectivement, à partir de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, on sort de l'âge des empires. On entre dans l'âge des nations et des nationalismes. Les identités se nationalisent aussi. Ces Maghrébins, en Terre Sainte et dans la Ville Sainte, se retrouvent petit à petit marginalisés, pour le coup. Parce qu'à l'âge des nations, il faut être soit palestinien, soit israélien. D'accord ? Et donc, ils vont se retrouver petit à petit, en fait, cornérisés, hein, on pourrait dire, marginalisés, jusqu'à 1967, mais on n'y est pas encore. Ces émeutes de 1929 sont évoquées par l'ambassadeur d'Israël en France, Yaakov Tzur. Il y a eu ce qu'on appelait les événements, pour user d'un euphémisme, c'est-à-dire les attaques arabes de 1929, d'août 1929, le massacre de Hébron, où les Arabes ont massacré tous les Juifs qui avaient vécu là pendant des générations, les massacres des Safèdes, la lutte de Jérusalem et les attaques contre les villages isolés. C'était la première attaque organisée, oui, concertée. Concertée des Arabes contre les Juifs. Ces émeutes de 1929 étaient évoquées dans l'émission Naissance d'une Nation en 1973 par cet ambassadeur d'Israël en France. Dans cette histoire, Vincent Lemire, nous avons beaucoup de géographie. Nous parlons d'une ville, Jérusalem, nous parlons de quartiers, mais la géographie, c'est aussi des circulations. Et c'est aussi, c'est la question qui se pose avec cette histoire, celle du quartier maghrébin, la circulation. La circulation, et vous avez raison, c'est une histoire urbaine, c'est aussi une histoire de l'urbanisme. Les urbanistes, quel que soit leur agenda politique, j'allais dire, à partir des années 1920, sont scandalisés en fait par ces petites ruelles tortueuses, mais ils sont scandalisés de la même manière dans le Paris de la fin du 19e siècle, hein, ou même du milieu du 19e siècle. Les urbanistes sont scandalisés de toute façon quand les ruelles sont trop étroites, quand elles sont tortueuses, quand elles ne permettent pas l'évacuation, la sécurité, le maintien de l'ordre. Donc voilà, il y a aussi une histoire de l'urbanisme qui se joue, et c'est vrai que à partir des années 20, il y a ces frictions qui culminent effectivement en 1929. Et puis il y a un moment très très important, c'est que entre 1948 et 1967, donc pendant 19 ans, pour le coup, aucun juif israélien n'est autorisé à se rendre en prière devant le mur occidental, en violation des accords de Rhodes, hein, qui sont les accords, on va dire, des accords de cessez-le-feu entre Israël et la Jordanie. Et là, ça va accumuler des rancœurs et des frustrations dans l'opinion publique israélienne. Les juifs israéliens ne peuvent plus venir prier devant le mur occidental, plus du tout. Et d'une certaine manière, ça va évidemment accentuer la pression sur ce quartier. Donc toute l'histoire ces 60 ans du 20e siècle, en fait, c'est une longue montée des tensions avec des organisations sionistes ou des individus qui d'abord tentent d'acheter le quartier, qui tentent d'intimider les habitants, les émeutes du mur, et tout ça va culminer évidemment en 1967. Parce que dans cette histoire-là, nous avons une population, alors nous ne pouvons pas dire venue du Maghreb, parce que c'est une population qui est installée là depuis longtemps, mais toujours dans ce mouvement de pèlerinage, dans cette venue à Jérusalem. Est-ce qu'encore au XXe siècle, pour un pèlerin venu du Maroc, de l'Algérie, eh bien, il y a l'automatisme d'aller dans le quartier maghrébin? Est-ce que ce quartier maghrébin est connu au Maghreb? Oui. Ce quartier maghrébin est connu au Maghreb et jusque dans les années 1950, 1960, dans la presse algérienne, marocaine, tunisienne, il est évoqué à la radio algérienne. Il y a aussi quelque chose qu'il faut dire, c'est que en 1948, le village de Ain Karem, donc dont on a parlé tout à l'heure, qui était constitué en fait pour apporter les revenus agricoles à ce quartier, en 1948-49, première guerre israélo-arabe, le village de Ain Karem se retrouve à l'ouest de la ligne verte, donc en Israël, d'accord. Et donc ces habitants sont expulsés. Et donc, tous les revenus, enfin, on va dire deux tiers, trois quarts des revenus fonciers et agricoles du quartier maghrébin disparaissent. Donc, en 1948, la France, et ça, c'est un nouveau moment de l'histoire du quartier maghrébin, pour le coup, complètement inconnu et inédit. La France, en tant que puissance coloniale au Maghreb, va s'introduire dans cette histoire en considérant si c'est un quartier maghrébin, c'est un quartier français. Et de 1948 à 62, donc jusqu'à l'indépendance de l'Algérie, c'est le consul général de France à Jérusalem qui va véritablement gérer ce quartier, le restaurer. Et donc, pour répondre à votre question, il va y avoir une espèce de soft power qui va se mettre en place entre Jérusalem, Paris et Alger, le gouvernement général d'Algérie. On va essayer de montrer aux populations du Maghreb, marocains, tunisiens, puis ensuite exclusivement algériens, combien on prend soin des lieux saints musulmans et des lieux saints islamiques. Et on est dans les derniers feux de l'utopie coloniale, hein. Il faut sauver cette utopie coloniale et il faut prouver aux ressortissants du Maghreb que la France est une puissance musulmane. C'est un terme qui est assez frappant à rappeler aujourd'hui en 2022. Puissance musulmane, puissance islamique, la France doit prendre soin des lieux saints musulmans avec la même énergie qu'elle prend soin des lieux saints catholiques. Donc cette séquence française de l'histoire du quartier maghrébin, elle va contribuer aussi à, d'une certaine manière, le remaghrébiniser. Mais pour vous répondre, les habitants du quartier maghrébin, jusqu'aux années 1950-1960, il y en a qui sont là depuis des décennies, voire des siècles, qui ont fait souche, mais il y a encore des habitants qui viennent d'une génération, deux générations, qui sont des pèlerins qui se sont installés très très récemment. Ici les Nations Unies. Notre dépêche quotidienne en langue française sera remplacée aujourd'hui par une interview que vient de nous accorder M. Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères de France. Quel rôle la France entend continuer à jouer au sein de l'Organisation des Nations Unies ? J'estime qu'en l'état actuel des choses, en l'état actuel de l'organisation internationale, c'est d'abord par la conciliation, par l'appel à la bonne volonté de tous que nous devons aboutir. C'est ce que nous venons d'attendre dans la question si délicate de la Palestine. Nous espérons aussi que dans d'autres domaines qui sont encore en suspens, nous obtiendrons les mêmes résultats. Nous entendons Robert Schuman qui s'exprime en 1949. La chronologie est fine. En 1947, c'est le partage de la Palestine par l'Organisation des Nations Unies. 1948, c'est la proclamation d'indépendance d'Israël. Et dans cette histoire, effectivement, la France joue un rôle. C'est en cela, Vincent Lemire, que nous sommes, encore une fois, mais j'ai presque envie de dire toujours, sur une histoire mondiale. La France joue un rôle. Ses habitants du quartier maghrébin de Jérusalem parlent arabe. J'imagine. Parle-t-il français ? Y a-t-il un lien avec la France ? Oui, oui. Alors, on le voit très bien dans les archives. Ils parlent arabe, ils écrivent l'arabe, un arabe très maghrébin. Tous les témoignages le disent. Ils parlent et ils écrivent le français jusqu'aux années 20, on va dire. Ils parlent ensuite et ils écrivent de plus en plus l'anglais, hein, à l'époque du mandat britannique. Et d'ailleurs, Louis Massignon, qui est très proche de Robert Schuman et qui va être une des chevilles ouvrières de cette histoire française du quartier maghrébin, Louis Massignon s'en plaint amèrement du fait que la francophonie recule dans le quartier maghrébin et que l'anglais progresse. Il est scandalisé parce que certains habitants du quartier maghrébin souhaitent Joyeux Noël ou Joyeux 14 juillet ou le 11 novembre écrivent au consul général de France à Jérusalem en anglais. Et voilà, il y a aussi un enjeu, effectivement, d'histoire mondiale de la France, d'histoire de la francophonie, hein, c'est ce soft power par la langue et aussi par les lieux saints musulmans contre l'anglicisation du monde, hein, et contre le monde anglo-saxon. Et ça, c'est les années 1950-1960 qui sont vraiment une sorte de parenthèse dans cette histoire du quartier maghrébin, mais un moment très très important parce que en même temps, le quartier va être réactivé, des bâtiments vont être restaurés, de plus en plus d'habitants vont venir. Donc ça contrevient complètement à la chronologie qu'on nous avait racontée, la chronologie israélienne. En 1967, le quartier n'est pas du tout un taudis à l'abandon. C'est tout le contraire. C'est un quartier qui vient d'être restauré et réactivé. Et puis, Jérusalem est une ville qui est très attractive dans ces années 60. Elle intéresse. Elle est au cœur de l'actualité déjà. Et puis, dans ce que vous avez appelé ce soft power, cette influence, Vincent Lemire, il y a bien sûr l'action des diplomates, mais souvent mieux que les diplomates, il y a les artistes. Un refrain a pris son vol avec une ou deux paroles et s'en va dans les faubourgs chanter dans les cours. Un mendiant sur son violon le répète sous un pont et bientôt on n'entendra que ce refrain-là. Il commence sa randonnée choisissant les plus vieux quartiers car c'est là qu'il veut rencontrer ceux qui ont besoin de chanter. Il s'installe dans les maisons en flânant sur chaque balcon. Puis il saute après dans la rue et s'en va une fois connu. Un refrain a pris son vol avec une ou deux paroles et s'en va dans les faubourgs chanter dans les cours. Un mendiant sur son violon le répète sous un pont et bientôt on n'entendra que ce refrain-là. Sur la plaine, les moissonneurs font des gerbes et le chantent en chœur. Les nomades le jouent le soir, en balade sur leur guitare. Ils traversent tout le pays et rencontrent beaucoup d'amis. Jusqu'au jour où les amoureux lui confient leur cœur de à deux. Un refrain a pris son vol. Un refrain a pris son vol, Enrico Macias en 1967. La même année, Enrico Macias d'ailleurs chantait Noël à Jérusalem dans Le cours de l'histoire, une émission réalisée par Louise André avec aujourd'hui à la technique Jordan Fuentes, au pied du mur, vie et mort du quartier maghrébin de Jérusalem, publié au Seuil, Vincent Lemire. Mais que vient faire Enrico Macias dans cette histoire? Alors, au moment de la guerre des six jours, donc jusqu'au 10 juin 1967, juste après la guerre des six jours, il y a énormément de Français qui se rendent à Jérusalem pour célébrer la victoire israélienne et la conquête de Jérusalem-Est et de la vieille ville de Jérusalem, et notamment Enrico Macias. On en a des photos. Il est devant le mur occidental, sur les décombres du quartier maghrébin, dès le 12 juin 1967, donc 48 heures après le cessez-le-feu, à peine 24 heures après la destruction du quartier. Et effectivement, ça va lui inspirer une autre chanson qui s'appelle « Noël à Jérusalem » et dont les paroles sont assez frappantes. « Noël à Jérusalem, près d'un mur qu'on croyait perdu, près d'un mur que l'on a retrouvé ». Donc, il n'y a aucune ambiguïté. Et ce qui est assez frappant aussi, c'est que voilà, on a aussi ce caractère universel. Hein. Enrico Macias ne parle pas de Shabbat à Jérusalem ou de Kippour à Jérusalem, mais bien de Noël, hein, parce qu'on est quand même dans ce monde occidental, et donc c'est de ça dont il faut parler. 1967, c'est évidemment le tournant, hein, c'est la destruction du quartier. Et ce qui est assez frappant, c'est que dans les photos d'Enrico Macias qui visite le mur occidental le 12 juin 1967, encore une fois, 24 heures exactement après la destruction du quartier, j'ai presque aucun doute qu'il ignore totalement, déjà, il ignore déjà qu'il y avait 800 habitants et 135 maisons à cet endroit-là. La destruction du quartier maghrébin a été d'une extrême brutalité et d'une extrême rapidité, en quelques heures à peine. Cette histoire du quartier maghrébin est passionnante, au sens où, et nous l'avons déjà dit, il a une date de naissance précise, 1187, et il a une date de mort, de disparition précise. Nous sommes dans une nuit de juin 1967. Ça se passe extrêmement vite. Y a-t-il des violences? La population est expulsée. Comment ça se passe? La population est expulsée en deux heures, dans la soirée du samedi 10 juin 1967. Le cessez-le-feu, le dernier cessez-le-feu entre Israël et la Syrie, c'est le samedi 10 juin dans l'après-midi. Et en fin d'après-midi, donc juste après Shabbat, la population du quartier maghrébin est expulsée et le quartier est détruit dans la nuit du samedi au dimanche. On a des articles du Jérusalem Post, du dimanche matin, le quartier a déjà disparu. Hein, et dans le livre, hein, j'ai rencontré évidemment des anciens habitants, mais aussi quelques anciens témoins et les derniers survivants en fait qui ont participé à cette destruction, notamment Sasson Levy, qui raconte voilà très prosaïquement comment on fait pour détruire un quartier voilà si rapidement et si brutalement. Alors on peut dire que c'est un événement très brutal, c'est vrai, ça se fait en quelques heures. Il y a entre 1 et 3 morts, c'est-à-dire qu'il y a une personne âgée, on est certain, qui n'a pas pu, qui n'est pas sortie de sa maison et qui est morte sous les décombres. Peut-être 2, peut-être 3. Assez curieusement, d'ailleurs, certains témoignages israéliens sont presque plus alarmistes que des témoignages palestiniens sur ce plan-là. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que les habitants, ils sont expulsés tellement rapidement qu'ils sortent sans rien, c'est-à-dire à peine avec quelques papiers d'identité. Et c'est ensuite ce qui va justifier qu'ils vont être indemnisés, y compris pour leur mobilier. Et cette destruction du quartier se fait avec des bulldozers, une rapidité déconcertante, mais la question se pose de la décision. Comment est prise cette décision? Y a-t-il quelqu'un qui dit « vous allez détruire maintenant tout de suite ce quartier » Comment ça se passe? Et que peut dire l'historien? Parce que c'est la grande difficulté, écrire l'histoire d'un quartier dont il ne reste plus rien. Alors, c'est une histoire très israélienne. C'est une décision qui vient de loin, puisqu'on l'a dit, hein, les organisations sionistes, depuis le début du XXe siècle, cherchent à s'emparer de ce quartier pour le détruire. Donc, c'est une décision qui vient de loin. Mais ensuite, il y a un opportunisme opérationnel, on pourrait dire, qui est très israélien aussi. Jusqu'ici, on racontait que quelques entrepreneurs israéliens exaltés étaient entrés dans le quartier avec leur bulldozer et que l'armée les avait laissés faire. Donc c'est évidemment un emballage très très grossier. Et moi, tout mon travail a été de documenter en fait cette décision et d'aller chercher dans les couches les plus profondes de la documentation et en particulier dans les archives des travaux publics de la municipalité de Jérusalem, parce que je me suis dit, 135 maisons, ça fait quand même des gravats, il faut quand même les évacuer. Et effectivement, j'ai trouvé dès le mercredi 9 juin une note très très très très banale, très très prosaïque, qui dit ben, le samedi soir, on va détruire le quartier maghrébin, il va falloir positionner des camions pour évacuer les gravats. Ça veut dire que la décision, évidemment, elle est anticipée. Alors, le 9 juin, on est encore en guerre. Hein. On est encore en guerre. Et puis, j'ai aussi retrouvé la trace d'une réunion entre Teddy Kollek, le maire de Jérusalem, et Ouzine Arkis, le commandant militaire de la zone de Jérusalem, qui liste les actions les plus urgentes, et la destruction du quartier maghrébin en fait partie. Et puis, un troisième document très important que j'ai retrouvé dans les archives du ministère des Affaires étrangères, qui cale ce qu'on appellerait aujourd'hui les éléments de langage, hein, à destination des ambassades d'Israël dans les zones sensibles, on va dire, et qui commence à décrire voilà un taudis avec presque plus d'habitants et des bâtiments qui menaçaient ruine. Donc là aussi, c'est une histoire très israélienne et très israélo-palestinienne. Hein. L'histoire du quartier maghrébin, c'est vraiment pour moi un microcosme qui éclaire la globalité de l'histoire de Jérusalem depuis l'époque de Saladin jusqu'à aujourd'hui pratiquement. Oui, c'est une histoire sur 800 ans et cette histoire s'appuie sur des documents, Vincent Lemire, vous les citez, mais ils sont dans l'ouvrage, ils sont reproduits, c'est toujours un plaisir de lecture d'avoir le texte de l'historien et puis le document que l'on peut lire. Et dans l'évocation de ce quartier maghrébin dont il ne reste plus rien, c'est l'esplanade aujourd'hui du mur des Lamentations. Si, il reste quelque chose, ce sont les souvenirs, ceux des témoins. Une grande partie de ma vie quotidienne se déroulait dans le quartier maghrébin, car notre maison était située à Wadi Ilwe, à 100 mètres à l'extérieur des murs sud de la ville. À cette époque, j'avais beaucoup d'amis dans le quartier avec qui je jouais au football. Je suis devenu familier avec les odeurs de cuisine maghrébine. Beaucoup des habitants du quartier maghrébin étaient des clients de mon père. Ce quartier était un lieu d'exploration pour moi. On voyait souvent un gardien qui ouvrait la porte des maghrébins quand un étranger voulait visiter la mosquée Al-Aqsa. On remarquait que les habitants étaient habillés avec leur costume traditionnel maghrébin et qu'ils portaient le fez moins haut que le tarbouche de Jérusalem. Par ailleurs, le dialecte maghrébin était beaucoup plus compliqué et beaucoup plus rapide que notre dialecte local à Jérusalem. Tout cela a toujours attiré ma curiosité. C'est Daniel Königsberg qui lisait ce témoignage de Nazmi Al-Joubet, quelqu'un qui est né en 1955, donc a connu le quartier maghrébin tout jeune, qui évoque cette petite spécificité dans Jérusalem. Vincent Lemire, mais quand même, un quartier, c'est grand, enfin, ce sont des bâtiments. J'imagine qu'il y avait des choses extrêmement anciennes, ils datent du XIIe siècle. Ça laisse des traces quand même. Oui, ça laisse des traces, ça laisse des souvenirs, les souvenirs de Nazmi Al-Joubet, qui par ailleurs est le seul historien palestinien qui a publié très récemment une partie d'un de ses livres en arabe sur l'histoire du quartier maghrébin, surtout dans sa dimension architecturale, puisqu'il est professeur d'histoire d'architecture à Bir Zeit. Donc ça laisse des souvenirs, ça laisse des documents, on en a parlé, mais il y a aussi l'archéologie. Et alors l'archéologie, c'est un sujet extrêmement sensible à Jérusalem. Ce qui se passe, c'est que ce parvis, on l'a dit, aujourd'hui, c'est un lieu d'accueil pour les touristes, en particulier pour les touristes juifs du monde entier qui viennent prier là. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des toilettes, par exemple, des toilettes publiques. Donc, à droite, dans l'ex-maison qu'on appelait la maison Nathan Strauss, on a construit des toilettes publiques, un nouveau bâtiment, et donc il faut faire des fondations. Et puis, dans la partie ouest, il y a un nouveau bâtiment qui s'appelle Beit Aliba, qui est là pour accueillir le public. Et donc c'est pareil, ce bâtiment, il est un petit peu suspendu en l'air. Et on a creusé et on a fait ce qu'on appelle en fait de l'archéologie préventive. Et mes collègues archéologues israéliens, qui travaillent à Jérusalem dans un contexte extrêmement compliqué, hein, entre les financeurs, entre l'agenda politique, etc. Alors évidemment, on détruit la couche supérieure qui correspondait au quartier maghrébin pour atteindre la dernière couche, hein, donc la couche hérodienne. Hein. Donc aujourd'hui, quand on va sous Beit Aliba, on voit une belle rue romaine hérodienne. Mais j'y étais pas plus tard qu'il y a 8 jours, parce que ce bâtiment vient d'ouvrir, et il y a un petit morceau d'une maison du quartier maghrébin qui est préservée en bordure du talus ouest. Et donc on a 3 mètres carrés de carrelage. On voit très bien que c'est un carrelage début XXe siècle, très banal, et deux pans de mur. Il n'y a pas de panneau, il n'y a rien. Peut-être que ce livre, peut-être que cette histoire qui petit à petit réémerge pourra faire en sorte que, voilà, on dira que cette petite maison et ce carrelage XXe siècle, cette archéologie finalement très récente, très contemporaine, témoignent d'une histoire vieille de 800 ans. Oui, parce que c'est ce glissement que vous évoquez, Vincent Lemire, dans cet ouvrage. Vous dites à Jérusalem, chaque glissement de terrain est un glissement dans le temps. C'est un travail d'historien, mais c'est solide, solide, comme tous ces murs que nous évoquons. Et puis, il y a aussi peut-être une démarche un peu dommage, parce que c'est un quartier oublié, avec des vies, des destins, des populations. Et simplement rappeler l'existence de ce quartier maghrébin, c'est un clin d'œil à tous ceux qui, encore aujourd'hui, ont pu vivre ça dans leur jeunesse, et peut-être aux générations qui suivent. C'est notre longue histoire. Oui, c'est ce que je dis à la fin du livre. Pour moi, ce livre est un commencement, c'est pas une conclusion. Je crois que c'est vraiment le rôle de l'historien que d'aller se pencher sur les sujets les plus sensibles, les plus difficiles, de ne pas les laisser aux polémistes, à la polémique, de ne pas les laisser non plus seulement aux acteurs, parce que les acteurs sont évidemment traversés par l'émotion, par la rancœur, par la haine parfois, hein, il faut le dire, on est à Jérusalem, on est dans un lieu incandescent, et là on est au centre de Jérusalem, face à l'esplanade des mosquées, face à l'ancien mont du Temple. Enfin, ce microcosme, c'est vraiment, pour moi, c'est le cœur du réacteur, quoi. Et je m'en suis approché avec beaucoup d'appréhension, mais aussi beaucoup de méthode, le plus de sang-froid possible. Et le plus de documents possible, parce que vous avez raison, l'éthique de l'historien, sa déontologie, c'est de documenter ce qu'il annonce, ce qu'il avance. Et puis, d'une certaine manière, le plus d'extériorité aussi, parce que voilà, je ne fais pas partie de cette histoire, hein, je n'en suis que l'historien, et je crois que l'historien doit assumer sa position d'extériorité. Ça, c'est un grand débat, mais voilà, comprendre ou juger. Moi, je pense qu'il faut le plus possible comprendre et le moins possible juger. Le moins possible juger pour pouvoir comprendre, justement. Et donc, voilà, c'est une histoire encore extrêmement sensible. Il faut bien le dire, hein, vous avez raison. Ce quartier a été détruit en 1967. Il y a des gens aujourd'hui qui ont 70 ans et qui avaient 15 ans à l'époque, hein, qui ont joué au foot et qui se souviennent de la boulangerie, du coiffeur, etc. Et c'est vrai que quand on retrouve les vestiges archéologiques, parce que j'ai dit que la couche supérieure avait été détruite, par contre, les archéologues israéliens ont conservé les objets qu'ils avaient trouvés. Et donc, on va retrouver une bouilloire, une machine à coudre, des ciseaux, parce qu'il y avait un salon de coiffure, du matériel de cordonnerie. Donc là, effectivement, cette histoire, d'un coup, nous saute au visage et devient extrêmement proche. Et puis, cette histoire ne fait pas polémique, parce que c'est du travail d'historien. L'histoire, c'est une science. L'histoire, c'est pas une opinion. Et quand l'histoire fait polémique, c'est par d'autres qui ne lisent pas l'histoire comme une science au pied du mur, vie et mort du quartier maghrébin de Jérusalem. C'est passionnant, Vincent Lemire. Vous nous faites traverser 800 ans et même plus, parce que ça fait écho à notre présent. Merci vivement à vous d'être venu nous parler du quartier maghrébin. Et il est temps, dans le cours de l'histoire, de retrouver Gérard Noir avec le pourquoi du comment. Les Roms sont-ils des gens du voyage? Pendant longtemps, on les a appelés les Gitans, les Romanichels, les Camps Volants. Comme ces termes avaient des connotations très péjoratives, ils ne sont plus guère utilisés aujourd'hui. Du coup, même les plus humanistes d'entre nous hésitent sur le vocabulaire le plus adéquat pour nommer ces populations. On oscille régulièrement entre Roms, Tziganes, gens du voyage, etc. Dans ma chronique d'aujourd'hui, je vais tenter de clarifier un peu ces différentes appellations en les éclairant par l'histoire. Le terme le plus général est celui de Tzigane, qui englobe un grand nombre de communautés désignées par d'autres noms, comme c'est le cas pour les Roms. En Europe, les Tziganes, originaires de l'Inde, rassemblent une population évaluée aujourd'hui à 10-12 millions de personnes. Il faut éviter de les confondre avec les gens du voyage pour deux raisons. D'une part, cette expression est une appellation administrative, fixée par la loi du 3 janvier 1969 qui a remplacé le mot « nomade », considéré comme trop péjoratif. D'autre part, on estime que seulement 2% des Tziganes peuvent être classés dans la catégorie des gens du voyage, car l'immense majorité d'entre eux sont sédentarisés depuis longtemps. La question des noms est difficile à résoudre dans le cas des tziganes parce qu'ils forment une mosaïque de groupes diversifiés et qu'il n'existe pas de critères unanimement partagés permettant de les distinguer. On peut toutefois affirmer que ce qui les différencie le plus les uns des autres, c'est le pays dans lequel ils se sont fixés. Les différences linguistiques et culturelles entre ces communautés s'expliquent par l'ancienneté de cet ancrage géographique. Les gitans sont des tziganes qui se sont installés surtout en Espagne, au Portugal et dans le sud de la France, alors que les sintis ou les manouches vivent le plus souvent en Italie, en France ou en Allemagne. Si le mot « Rome » a tendance à s'imposer aujourd'hui, c'est la conséquence d'un processus d'institutionnalisation. Les dirigeants de l'Union Romanie internationale se sont mobilisés pour que les groupes qu'on appelait jusque-là les bohémiens, les gitans, les manouches, les romanichels soient reconnus comme des membres du peuple rome, terme officiellement adopté lors du premier congrès international des Roms tenu à Londres en 1971. Depuis cette date, les mots « Rome » au masculin, « Romni » au féminin, « Roma » au masculin pluriel et « Romnia » au féminin pluriel se sont diffusés par opposition à « Gaggio » masculin, « Gage » féminin et « Gage » masculin pluriel qui désignent tous les individus étrangers à la population rome. Preuve qu'aucun groupe humain n'échappe à la logique identitaire opposant le « eux » et le « nous ». Cette prise de parole publique a eu pour effet positif d'inciter les universitaires à développer des recherches sur l'histoire des Roms. Le retard de l'historiographie s'explique par le fait que leur culture est fondamentalement orale, de telle sorte qu'il existe très peu de traces écrites de leur passage, si l'on excepte les préjugés tenaces et les commentaires insultants dont ces communautés ont souffert tout au long de leur histoire. Merci beaucoup Gérard Noiriel pour cette chronique nomade. Ça me permet de rappeler la série du cours de l'histoire sur le nomadisme, une histoire en mouvement, car nous sommes tous descendants de nomades. C'est à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France, comme toutes les émissions du cours de l'histoire et toutes les émissions de France Culture. Le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne-Toscane Viudès, Jeanne Delecroix, Valentine Lovrins et Pauline Maragou, et donc à retrouver sur notre site et l'appli Radio France.